Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous dis bonjour et je vais partager avec vous une petite exhortation. Je vais juste vous dire des choses que vous connaissez. Le grand problème dans l'Église aujourd'hui, c'est le manque de maturité spirituelle. C'est-à-dire des gens veulent rester dans l'Église, dans les assemblées, des éternels bébés. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils veulent toujours, ils vont dans des séminaires, ils vont à l'église tous les dimanches écouter la parole de Dieu. On lui prêche Dieu, la parole, depuis 2, 5, 10, 15, 20 ans, voire plus. Mais il est toujours éternel bébé dans l'assemblée. Écoutez ce que notre bien-aimé Job dit. Dans Job 42, au verset 5, Job dit à Dieu, le même Dieu que tu as là, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille a entendu parler de toi. Des gens m'ont prêché depuis des années de toi. Les gens m'ont parlé de toi par les prédications, par l'évangélisation. Mon oreille a entendu parler de toi. Beaucoup de personnes, depuis que des années que je suis dans l'église, mon oreille entend parler de toi. Mon oreille, ça fait des années que je suis dans l'église. J'ai entendu plusieurs prédications, plusieurs orateurs ont prêché. Mon oreille a entendu parler de toi. Mais est-ce que tu es capable de dire comme Job, maintenant, mon œil te voit? Parce que ça, c'est une autre dimension. Ou bien tu vas finir ta vie juste entendre parler de lui et que tu ne le vois jamais. Job dit à Dieu, j'ai entendu parler de toi. Mon oreille. Mais aujourd'hui là, je te vois. Je te vois tel que tu es. Combien de personnes, 20 ans dans l'église, son oreille ne fait qu'entendre parler de Dieu. Il va tout le temps à l'église, il va dans des séminaires, dans des cultes, dans des campagnes d'évangélisation. Il entend parler de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Son oreille ne fait qu'entendre, mais il ne peut pas dire, aujourd'hui je te vois. Le Seigneur veut nous amener à cette dimension-là, où on le voit. Je vais lire dans Jean chapitre 4. Notre bien-aimé Christ Jésus est au bord d'un puits. Il veut boire de l'eau. Qu'est-ce qu'il voit? Une femme qui vient de loin pour venir puiser l'eau. Jésus dit, ok, celle-là, elle va me faire boire. Et la femme plonge son seau dans le puits et Jésus lui demande à boire. La femme dit, oh, depuis quand ça? Les Juifs, depuis quand les Juifs et les Samaritains, vous connaissez l'histoire. Et Jésus ira même jusqu'à dire à cette femme que celui qui est avec toi aujourd'hui là, ce n'est pas ton mari, mais sinon tu as déjà eu des maris. La femme est étonnée. Elle fait demi-tour à la ville. Venez voir, j'ai trouvé un monsieur là-bas. Peut-être c'est le Christ. Vous vous rendez compte, il m'a parlé de ma vie. Venez voir. Et ces gens sont venus voir Jésus. Je vais lire dans Jean au verset 29. La Bible dit. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Au verset 41. Et beaucoup, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit qu'on croit, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu. Jésus va échanger avec ces personnes. Et ils seront convaincus que celui-là est le Messie. Et ces personnes disent à la femme, notre foi n'est plus sur ce que tu nous as dit. Mais comme nous-mêmes, on l'a entendu, notre foi est maintenant sur lui. Ça ne dépend plus de ce que tu nous as dit. Notre foi est maintenant sur ce que lui-même nous a dit. Mon frère, ma soeur, tu es dans les églises depuis des années. Ta foi est basée sur ce qu'on te dit de lui. Ou bien ce que lui-même t'a dit. Ta foi est sur ce qu'on t'a dit de lui. Ou bien c'est ce que lui-même t'a dit. Est-ce que tu communiques avec lui? Ou bien ta foi est seulement assise sur ce qu'on t'a dit de lui. Job a dit, les gens m'ont parlé de toi. Mais aujourd'hui, moi-même je te vois. Et ces gens ont dit, madame, on ne croit plus par rapport à ce que tu nous as dit. Nous-mêmes, on l'a entendu. Toi, tu es dans l'église, tu crois en Dieu juste parce qu'on te prêche, on te dit ce qu'il dit, ou bien parce que toi-même, tu l'as entendu dans ta relation avec lui. Bien-aimé, je vais lire dans Jérémie 29, au verset 13. Écoutez ce que l'Éternel, notre Papa, dit. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver. Mais je voudrais d'abord avoir la preuve que vous me cherchez. Je ne me laisse pas trouver comme ça. Il y a une condition. Si je vois que tu me cherches, c'est alors que je me laisse trouver. Je ne me laisse pas trouver à celui qui ne me cherche pas. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, alors je me laisse trouver. Est-ce que tu le cherches, mon frère, ma soeur? Ou bien tu veux rester l'éternel bébé qui entend seulement ce qu'on dit de Dieu, mais lui-même ne l'a jamais vu? Qui croit? Parce que la Samaritaine est venu parler, alors qu'il devrait croire, parce que ce n'est plus par les paroles de la Samaritaine, mais par ce que Jésus lui-même a dit. Ou bien tu vas passer toute ta vie sur terre, juste entendre parler de lui. Dieu est ça, Dieu, l'éternel Dieu, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Jésus-Christ est Seigneur, tout. Que tu ne fais qu'entendre ce qu'on dit de lui, mais tu ne vas jamais dire comme Job, aujourd'hui là, moi-même je l'ai vu. Voici ce que lui-même m'a dit. Pendant que je priais, Dieu m'a dit ça. Ta relation, tu reçois toi-même. Les hommes, la foule, les gens ont dit à la Samaritaine, nous on ne croit plus en lui par rapport à ce que tu nous as dit. Mais nous on croit maintenant par rapport à ce que lui-même nous a dit. Toi tu crois en Jésus juste parce que ton pasteur, tes évangélistes, prophètes et tout ce que tu veux disent. Ou bien ta foi est assise sur ce que lui-même te dit dans ta relation avec lui. Parce qu'il te dit dans Jérémie 29, que si je vois que quelqu'un me cherche de tout son cœur, alors je me laisse trouver. L'apôtre Paul a dit, la parole que je vous enseigne, je ne l'ai pas apprise ou reçue de qui que ce soit. Dieu me l'a révélée. Dieu me l'a révélée. Paul peut dire, je ne prêche pas ce que j'ai entendu de lui, je prêche ce qu'il m'a dit. Donc Paul, Dieu veut que toi aussi, tu sois à cette dimension, que tu puisses dire comme Job. Ce n'est plus par ce que j'ai entendu de lui. Aujourd'hui, là, moi-même, je le vois. Je vais lire une histoire que vous connaissez. 1 Samuel chapitre 3. Un jeune, parce qu'il y a des jeunes dans l'église. Un jeune dans l'église, un jeune selon Dieu, un jeune selon les hommes, c'est par rapport à l'âge. Mais un jeune selon Dieu, c'est par rapport à ta croissance spirituelle. Tu peux avoir 50 ans et être bébé spirituel aux yeux de Dieu parce que tu viens de te convertir. Tu peux avoir 60 ans et être bébé spirituel. Voilà. Donc, Samuel était un jeune dans le temple. Il avait un pasteur, le sacrificateur Élie. C'est Élie qui connaissait Dieu et c'est Élie qui enseignait la parole de Dieu au jeune Samuel. Comme ton pasteur t'enseigne la parole de Dieu. Voilà qu'un jour, Dieu, dans sa liberté d'action, décide de parler à Samuel. Parce que Dieu a un plan pour toi, ma soeur, mon frère. Dieu ne change pas. La Bible dit, Dieu connaît les élus. Et les élus sont sur terre pour accomplir sa volonté. Il ne faut jamais croire que Dieu te donne la santé, que Dieu te donne le souffle de vie pour les choses du monde. Parce que tu n'es pas du monde. Chaque enfant de Dieu devrait prier, Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Que veux-tu que je fasse? Je fais quoi demain, papa, quand tu pries? Quel est le programme? Qu'est-ce que tu as planifié pour moi? Tu attends quoi de moi, papa? Parce que je ne suis pas dans le monde, je ne suis pas du monde. Tu m'as envoyé sur terre juste pour accomplir ta volonté. Jérémie, avant que ta mère ne tombe enceinte de toi, moi je te connaissais. J'avais déjà établi un plan, ce que j'attends de toi durant ton séjour sur la terre. Et chacun de nous est dans cette posture. Il y a un plan pour toi. C'est pourquoi Dieu est venu parler à Samuel. Le pasteur de Samuel, Élie, était là. Il ne faut pas croire que Dieu va tout le temps pour te parler, aller passer par Élie. Non! Parce que Job a dit, j'ai entendu parler de toi. Élie m'a déjà parlé de toi plusieurs fois. Mais aujourd'hui, là, moi-même, je te vois. C'est là, cette dimension-là que Dieu veut nous amener pour accomplir les desseins de Dieu. Mais toi, tu demeures l'éternel bébé. Quand dimanche arrive, tu touches ta Bible. Tu vas à l'église. Quand tu rentres à la maison après le culte, tu poses la Bible. Tu vas encore la toucher que l'autre dimanche. Mais quand Dieu voit ça, il peut dire, celui-là, il ne cherche pas à me connaître. Il ne me recherche pas. Tu touches la Bible que quand c'est dimanche, tu vas au culte. Après, tu poses, tu vas encore la toucher que l'autre dimanche. C'est pourquoi Dieu regarde dans ta maison, dans sa maison, parmi tous ses enfants, et il cherche les personnes qui ont besoin de lui, qui désirent le connaître. Dieu regarde. C'est pourquoi la Bible dit, dans une maison, il y a plusieurs vases. Vases d'honneur, vases de terre, vases en bois, ainsi de suite. Il y a plusieurs vases. Il y a plusieurs vases dans une maison. Toi, c'est 5 minutes de prière ou 2 minutes de prière le matin parce que tu vas aller au boulot. Et tu vas, le soir arrive, tu termines de manger, tu regardes la télé. Quand tu vas au lit, tu as sommeil, tu fais un petit truc de prière de 2 minutes, tu vas. Ça veut dire que dans une journée de 24 heures, toi tu confies à Dieu 5 ou 6 ou 10 minutes pour une journée de 24 heures. Mais Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il voit ça, il a la preuve que celui-là ne me cherche pas. Il ne cherche pas à me connaître. Alors que l'autre, même qu'il, je connais un bien-aimé, quand il conduit la voiture, il prie en langue. Quand il a son bureau, il prie en langue. Il est tout le temps dans l'esprit. Il rentre chez lui à genoux, il prie. Il prie en langue. Dieu regarde dans ta maison. C'est pourquoi la Bible dit, dans une maison, il n'y a pas que des vases d'or, il y a plusieurs sortes de vases. J'espère que tu es un vase en or. Tu n'es pas un simple vase de terre qui passe toute la journée à regarder la télé, il va au boulot, il remplit son estomac de la nourriture et puis il va ronfler au lit. Il n'a pas le temps de lire la Bible, il peut même pas se réveiller la nuit pour prier. Comment tu veux être un vase d'or si tu es comme ça? Mais Dieu regarde dans ta maison, dans sa maison. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a point de favoritisme, il regarde. Est-ce que vraiment tu le cherches de tout ton cœur? C'est ça le problème. Ce qui fait que dans les églises, beaucoup veulent rester des éternels qui entendent parler de lui. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Des hommes m'ont parlé de toi. Les hommes m'ont parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les hommes m'ont parlé de ce que tu as fait en Égypte. Tu as mis la mer à deux pour faire passer ton peuple. Les hommes m'ont parlé de ça. Les hommes m'ont dit que tu as envoyé ton fils sur terre se sacrifier pour nos péchés. Les hommes m'ont parlé de ça. Les gens m'ont dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. J'ai entendu parler de ça. Les gens m'ont dit beaucoup de choses, que tu vas revenir, tu vas enlever ton église. Les gens m'ont parlé de ça. Les gens m'ont dit qu'au niveau d'Apocalypse, il y aura des noces de l'agneau. Les gens m'ont déjà parlé de ça. Mais aujourd'hui là, moi-même je te vois. Le Seigneur veut t'amener dans une dimension où tu le connais. Je te prends un exemple. Une maman qui a dans les bras un bébé de 2-3 mois. Ce bébé-là dit au bébé, tu vas prendre le balai, tu prends l'aspirateur. Je m'en vais faire un tour au marché. J'espère, voilà, tu restes à faire le ménage. Le bébé va faire quoi? Bébé ne peut pas. Mais, si l'enfant a déjà 10, 15, 20 ans, il pourra. Nous devons grandir. Pourquoi? Parce que si tu es bébé, comment Dieu va t'utiliser comment? Parce que celui qui mange la parole, David a dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que quand tu manges la parole de Dieu, ça te donne non seulement la lumière dans ta direction, ça te permet d'avoir le discernement. Parce que pour avoir le discernement, pour savoir que là, c'est la mauvaise piste, là c'est bon, il faut être éclairé. Et on est éclairé par quoi? Par sa parole. D'où l'importance de lire la Bible pour pouvoir avoir le discernement. D'où l'importance de lire la Bible pour être éclairé. C'est pourquoi beaucoup prennent des fausses directions. Ils ne sont pas éclairés, ils n'ont pas la parole en eux. Et quand Satan se pointe devant eux, basta, il pique dessus parce qu'il n'a pas la parole. Comment tu vas résister au diable? Comment tu vas résister au sorcier? Comment tu vas résister à ce païen qui a la ruse dans son cœur et qui te dit fais ça? Tu n'as même pas la lumière, tu n'as pas la parole. Le Saint-Esprit va prendre ce qui est en toi. Il va te le révéler. C'est-à-dire que lorsque tu seras en face d'une tentation, le Saint-Esprit va prendre la parole de Dieu qui est en toi. Il va la mettre dans ta connaissance. Et tu vas dire, je ne fais pas. Parce que la parole dit ça. C'est le Saint-Esprit qui t'a mis la parole dans la tête. Pour que tu évites le piège de l'ennemi. Mais s'il n'y a rien, il n'y a pas de parole. Le Saint-Esprit va prendre quoi? Il n'y a rien en toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Aujourd'hui, mon œil te voit. Dieu vient. Il voit dans le temple Élie. Il voit dans le temple le jeune Samuel. Samuel était un jeune homme. Il ne passait pas son temps à jouer au foot. Il était consacré dans le temple. Le temple ici, c'est ta relation avec Dieu. Je ne parle pas du bâtiment. Je te parle de ta communion avec Dieu. Combien de temps tu passes dans le temple? Dans ta communion avec Dieu, par la prière, par le jeûne, par la lecture de la parole, tu passes combien de temps? Tu passes ton temps à aller dans les soirées, à faire la fête, tu regardes les films, mais tu n'as pas le temps pour lui. Quand Dieu, vous savez, Dieu ne force pas la main. Dieu ne force la main à personne. Il y a dans la maison de Dieu des vases d'honneur. En Dieu, il n'y a point de favoritisme. Ce n'est pas Dieu qui décide que celui-là sera une vase d'honneur, l'autre là sera une vase de terre. Non, c'est par rapport à ton engagement. C'est par rapport à ton engagement. Plus tu vas le chercher, plus il va te bénir. Et plus tu seras différent des vases de terre. C'est ce qui se passe. En lui, il n'y a pas de favoritisme. Il ne va pas favoriser celui-là par rapport à celui-là. Dieu ne connaît pas ça. Parce que nous sommes tous sauvés par grâce au moyen du sang de Jésus à la croix. Donc c'est pourquoi Dieu ne fait pas de favoritisme. Personne ne lui a donné le premier pour dire, bon, celui-là m'a donné 1 million d'euros, comme celui-là n'a donné que 500 euros, je vais beaucoup plus bénir. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Parce que nous sommes tous sauvés par Jésus, pas par nos moyens. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Le problème dans l'église, c'est ça. Des gens veulent rester des éternels. Ils croient en Dieu que ce qu'on leur dit, alors que des gens de la ville ont dit à la Samaritaine, nous ne croyons plus. Par rapport à ce que tu nous as dit, nous croyons maintenant par rapport à ce que nous-mêmes nous avons entendu de sa bouche. Il faut que tu saches que Dieu veut que tu arrives à la dimension où toi-même tu communiques avec lui. Parce qu'il a des choses à te dire. Dieu connaissait Élie. Élie était dans son coin là-bas, il dormait. Dieu n'a pas dit pour parler à Samuel, je vais tout dire à Élie. Et Élie va lui dire quel est mon plan pour sa vie. Dieu est venu lui-même vers Samuel. Je veux que tu saches que Jésus est à côté de toi jour et nuit parce qu'il a des choses à te dire. Comme il l'a dit à Jérémie, que moi je t'avais déjà établi prophète. Toi tu ne le sais pas, mais je t'informe qu'avant même que ta maman tombe enceinte de toi, moi je te connaissais déjà et tout est déjà, le plan est là. Tu vas être prophète. C'est ce que j'ai choisi pour toi. Donc chacun de nous, parce que nous sommes des élus et parce qu'il nous a envoyés sur terre pour son plan, toi tu ne connais pas ce plan-là. Tu vas à l'école, tu vas au boulot, tu ne connais pas le plan. On ne peut pas le deviner. Mais c'est lui qui doit te le révéler. Mais pour qu'il te le révèle, il faut que tu sois consacré, que tu le cherches dans le jeûne, dans la prière, dans la lecture de la Bible. Et il va te révéler le plan. Mais si tu veux rester des éternels bébés qui sont à l'église, tu entends parler que de lui, jamais il te parle lui-même. Tu ne fais qu'entendre chez des gens. Mais comment tu veux que Dieu t'utilise? Comment tu veux que Dieu te révèle le plan? Parce que tu ne le cherches pas. Tu vas faire quoi avec le plan? On n'a pas révélé le plan à Samuel hors du temple. On lui a révélé le plan alors qu'il était consacré. Est-ce que tu es consacré au Seigneur? Quel est le temps que tu donnes à Dieu quand tu lis la Bible, tes prières, tes jeûnes? Ou tu fais juste le petit 2 minutes du matin, tu regardes l'heure parce que tu vas au boulot ou à l'école. Tu fais juste les petites 3 minutes du soir parce que tu as déjà sommeil. C'est le temps que tu lui consacres. C'est la preuve que tu ne le cherches pas. Ta Bible, tu ne la touches jamais en semaine, tu vas la toucher que dimanche. Donc, il y a dans l'église des gens qui veulent rester des éternels vases de terre, alors que d'autres sont des vases d'or. Que Dieu vous bénisse.